All my ladies, all my ladies. Doomsday, doomsday. Décalé, très décalé. Des tunes on the beat. All my ladies, all my ladies. Doomsday, doomsday. Décalé, très décalé. Let's